Les masses médias de divers pays ont rapporté le 1er janvier le message du nouvel an 106 du Juche 2017 du dirigeant suprême Kim Jong-un. Les agences de presse TASS et Lia Novosti, la LEN TV, la radio Euromoscovie et les journaux Izvestia et Moskovsky Komsomolet de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, les réseaux Planète, Étrangers et Phoenix de Hong Kong et le journal de Hong Kong South China Morning Post de Chine, la télévision singapourienne Chaîne des Nouvelles Asiatiques, la télévision iranienne Presse, la télévision satellitaire Al Jazeera du Qatar, l'agence de presse Reuters et la BBC de la Grande-Bretagne, l'AFP, les agences de presse AP et UPI, les radios ABC et NBC et les journaux Washington Post, New York Times et Washington Times des États-Unis, ainsi que les agences de presse Gyodo et Jiji et les journaux Nihon Keizai Shimbun, Tokyo Shimbun, Mainichi Shimbun et Asahi Shimbun du Japon ont présenté le texte intégral ou le résumé du message de nouvel an du dirigeant suprême coréen sous divers titres comme « Le dirigeant Kim Jong-un affirme que la Corée est la puissance militaire de l'Orient que n'importe quelle puissance du monde n'ose pas toucher ».